Bon, j'ai pas de clavier pour chatter, donc je parle dans le micro. Ouais, salut Gilles. Oh putain. Je t'entends avec le Larsen. Ouais, en plus je suis pas sur le chat, donc du coup tu dois m'entendre avec le décalage.